Bonjour, je suis Aimé Bonaparte, votre réveillologue. Je pense vous avoir déjà parlé des véritables acteurs de votre réveil matinal. Bonjour ! Nous sommes les amis du matin. Les amis du matin. Et pour te réveiller, on imite le bruit de éteindre le réveil. Éteindre le réveil. Amis du matin, parez. Amis du matin, imitez. Oh non, réveil, réfléchis, il est trop bien dans mon lit, j'ai pas envie de me lever. Allez, il me reste encore 10 minutes, je prends mon petit déj, je prendrai pas de douche, c'est pas grave. Mais que tu vas la fermer ta gueule. Chut. Bonjour. Nous sommes les amis du matin. Les amis du matin. Et pour te réveiller, on imite le bruit du coq qui chante. Le coq qui chante. Chut. Amis du matin, parez. Amis du matin, imitez. Cocorico. Cocorico. Chut. Bonjour. Nous sommes les amis du matin. Et pour te réveiller, on imite le bruit du pipi du matin. Chut. Amis du matin, parez. Amis du matin, imitez. Oh, parce que c'est bon, dis donc, mes reins ont pas chaud, mais c'est couille, pourtant je pointe pas l'ennemi. Oh, mais tiens, mais si je sifflotais un petit air sympa, Oh, attention, petite goutte. Une bonne journée que j'ai passée, moi. Ça fait du bien. Chut. Bonjour. Nous sommes les amis du matin. Les amis du matin. Pour te réveiller, on imite le bruit de se coiffer. Se coiffer. Chut. Amis du matin, parez. Amis du matin, imitez. Bonjour. Vous ne reconnaissez pas ma voix? C'est normal, parce que d'habitude, je reste silencieuse. Je suis votre brosse à cheveux. Et tous les matins, lorsque vous vous démêlez les cheveux, j'entends tout ce qui se passe en dessous, dans votre petit crâne d'humain. Et tout ce que je ne sais pas, c'est mon ami Le Peigne qui me l'apprend. Cela fait des siècles que nous écoutons en silence vos secrets les plus intimes. Et nous savons tout de vous. Très bientôt, nous passerons enfin à l'action et nous prendrons le contrôle du monde. Chut. Bonjour. Nous sommes les amis du matin. Les amis du matin. Pour te réveiller, on imite le bruit de Barry White. Amis du matin, parez. Amis du matin, imitez. Bing, bing, bing.